Oui, c'est normal que tu entendes le retour dans sa voix parce que moi ici il arrive à 0 décibel donc ça m'arrache une oreille. Mais c'est pas grave. C'est une question de. Il faut faire la balance quoi, comme dans un groupe. Well.